Uh-oh. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, les réacteurs sont à l'arrêt. Il n'y aura pas de vol découverte, mais l'évasion continue au sol. Depuis le tarmac sur Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 et en streaming radio-arc-en-ciel.com, on reste sur le plancher des vaches avec Pochette Story Music. Venez explorer l'histoire de nos disques cultes. Un voyage sonore immédiat, les pieds sur terre et la tête dans le groove. Découvrons ensemble la Pochette Story Music. Année 80, numéro 3. Quatre tubes enchaînés les uns à la suite des autres sans prendre la parole. Juste un petit peu au début, voilà, bah c'était le Nuit de Folie en premier, c'était le record des tubes des années de l'année 88 d'ailleurs. Pour la petite histoire, début de soirée a écrit ce tube pour s'amuser et il ne devait durer apparemment qu'une saison, mais il a été vendu à plus de 45 tours a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Donc voyez-vous, le deuxième, bah ça a été Ouragan, qui a été normalement écrit pour Jeanne Masse, mais elle a refusé de le chanter, donc c'est une erreur historique pour elle, et ça a offert à la princesse du Rocher de Monaco le plus gros tube de l'été 86. On est passé par la suite sur le groupe Partenaire Particulier. Le groupe portait le même nom de sa chanson et de son album, donc ils ont fait quelques morceaux, et puis ils ont laissé la place à d'autres sur le dance floor. Et puis là on vient d'écouter donc Les Brunes ne comptent pas pour des prunes. C'était la revanche, et c'est la revanche personnelle de Lio, une chanson devenue un hymne pour les Brunes de France en 86. Et Lio envoyait ce message piquant à toutes les blondes, et c'est un morceau qui est devenu culte. Et on continue de suite avec un autre morceau qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance un petit peu plus chic, avec C'est la Watt. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, on ne serait pas bien mieux avec, eh bien avec qui d'ailleurs ? Avec les Démons de Minuit ? si avec les deux noms de nuit, nous allions faire un tour du côté du Macumba. Story Music numéro 3 qui a été sélectionné par des grands supporters de Didier & Co, qui est venu d'ailleurs nous rendre visite la semaine dernière avec Nicolas pendant la radio. C'est Stéphane qui m'a envoyé donc sa demande, et comme il me l'a envoyé en premier, et ben il a été servi. Donc on va continuer un petit peu, mais là je vais vous emmener en bateau. Ouais, on est souvent emmené en bateau en ce moment d'ailleurs. Donc, c'est à moi de vous y emmener. Je vais vous emmener en cargo de nuit avec Monsieur Axel Bauer. Continue le déballage musical là, et on poursuit donc avec des refrains que tout le monde connaît par cœur, n'est-ce pas ? On libère les femmes, on s'envole pour l'Afrique avec un look très coco et ça sera un coup de folie au final. Allez, direction la libération des femmes. Thank you. Look, it's a collab. Arc-en-Ciel 96.2. Il est 14h40 et il nous reste encore quelques pop-corn au fond du cornet pour être peut-être de bonne humeur ce matin, ou plutôt ce jeudi après-midi, avec Didier & Co, la première pochette Story Music. J'en profite pour dire un petit coucou à Michel et à Monsieur Adam Piaf, qui est avec nous, ainsi que Sylvie B. Ils m'ont envoyé un petit message bien sympa d'ailleurs. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Il fait beau, putain c'est rare. Plus je travaille et moins je me marre. Et les requins sont dans la scène, mais ça baigne, c'est une vie saine. De ramer sans ça, sans s'arrêter, de Madeleine à la prochaine. Faut que je trouve rapido la meuf qu'il me faut. J'avance bien mieux avec le ventre creux. Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. Je chope un bus, oi, oi, oi, is. Putain de bus qui glisse et qui se trompe de piste dans les couloirs tirés par la police. Paris est plein de parisiens. Pas assez de parisiennes et trop de parisiens. Les mains, la langue du Mac à Damien. Des gens qui trouvent ça beau, applaudissent, applaudissent, applaudissent dans notre dos.

toujours sur Radio Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. Et c'est toujours Didier & Co avec votre animateur Didier au micro, que vous retrouverez d'ailleurs à la Foire Expo, puisque cette année, nous avons le privilège, la joie et le plaisir de recevoir le Portugal en invité. Et Arc-en-Ciel, il sera bien sûr avec son stand et ses animations. On vous donne rendez-vous là-bas. Et en attendant, eh bien, on continue un petit peu, voir si les autres sont jaloux. Yeah. Fin de la pochette surprise, du moins pochette story musicale des années 80 française, qui a été sélectionnée par Stéphane, que je remercie d'avoir participé. Mais n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez avoir quelques musiques, quelques styles, eh ben venez nous rejoindre sur Didier & Co, sur Radio Arc-en-Ciel. C'est le jeudi après-midi, c'est entre 14 et 17 heures. De temps en temps, j'ai des invités, et sinon, je vous passe de la musique la meilleure possible, soit-elle pour vous. Voilà, donc comme je le disais, nous arrivons au fond de la pochette numéro 3, et il reste encore deux morceaux, mais mon petit doigt me dit que sur la dernière heure, il pourrait y avoir quelques surprises du côté des années 80. Alors on va aller voir si, eh bien, comment se passe la nuit, la vie. Couleurs dansées dans ces longs souvenirs où nous c'est trop. Mais si tu gardes au fond des rêves à tes ennuis, dirige et guide chaque pas, c'est ça, la vie la nuit. Tu craques, hey, c'est le paradis pour que revivent en sensation les. Si tu préfères le funky ou les nuits de folie. Il est 15h01, Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans et bien sûr en streaming sur radio-arc-en-ciel.com pour nous suivre sur les réseaux internet. N'hésitez pas de venir le jeudi après-midi nous rejoindre dans l'émission et je pense que le soleil arrive, ça remet un petit peu de baume au cœur et moi ça me donne franchement envie de me mettre en maillot de bain, bah ouais directement, pourquoi pas. Et puis d'aller me bronzer sur la plage et puis de chanter et de danser.